Des volumes de fumée s'élèvent lactescentes dans la presque obscurité de la chambre insouciante. Et la fenêtre ouverte et brisée laisse entrer le bruit sourd et ténu d'une rue inconnue. À Lima comme ailleurs, les hommes rient, les hommes meurent. Et de l'hôtel crasse, il me semble entendre les deux qui s'accordent en cadence à l'immense manège de la ville aux cent pièges qui sursaute et qui danse. À nos amours tendus sur ce lit de guingois, aux enfants alentours qui se fendent la voix, aux souvenirs qu'on respire au réveil d'un matin, d'une mémoire qui transperce le brouillard du lointain. Mais je retourne étreindre le nouveau monde, le respirer, vous peindre que la terre est ronde. Il crache ses couleurs et m'arrache les sangs en sueur. Des montagnes vomissant de torrents verticaux, aux lagunes bleuissantes caressées de ruisseaux, j'ai marché exténué comme un désespéré, reflétant l'aube grise dans mes yeux de surprise. Des sentiers qui serpentent tout à travers les cieux, jusqu'au gouffre grognant comme des ogres amoureux, de l'accent frontière à l'impassible rivière, partition infinie d'une immense symphonie. Dans le tranquille repos de l'hôtel du départ, je fume à l'espoir de pouvoir les revoir, car le gris d'un brouillard qui s'allonge sur mes songes abandonne ma mémoire dans l'oubli d'une gare. Mais je retourne étreindre le nouveau monde, le respirer, vous peindre que la terre est ronde. Il crache ses couleurs et m'arrache les sangs en sueur.